Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 4 juillet un message de félicitations au président rwandais Paul Kagame à l'occasion de la fête nationale du peuple rwandais. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu des relations réciproques d'amitié et de coopération dans divers domaines et il a souhaité de plus grands succès dans les affaires du président, du gouvernement et du peuple rwandais pour la prospérité du pays.